Le comité autrichien de solidarité des syndiqués pour la réunification pacifique de la Corée a envoyé le 14 une lettre de protestation contre les manœuvres militaires américano-sud-coréennes visant la République populaire démocratique de Corée aux ambassades américaines et sud-coréennes en Autriche. L'auteur écrit que les manœuvres américano-sud-coréennes menées chaque année constituent nettement un acte dangereux poussant la situation de la péninsule coréenne au seuil de la guerre et un grand défi contre la paix et la sécurité du monde. Il a appelé les États-Unis à se montrer favorables à la conclusion d'un accord de paix avec la Corée au lieu de pousser le monde dans le cataclysme nucléaire.